Des hôtes étrangers qui étaient en Corée populaire disent à l'unisson que les Coréens n'ont rien à envier au monde. Le chef de la délégation ougandaise d'études Kim Il-sung, Kim Jong-il, a été très touché de ce que le parti et l'État de la Corée se chargent entièrement de la vie des vieillards, des orphelins et des handicapés. Il a avoué qu'il a compris pourquoi les Coréens appellent parents leurs leaders et leurs partis. La chef du corps des enfants vacanciers russes a dit que le respecté camarade Kim Jong-un forme les jeunes générations coréennes en futurs piliers du pays. Elle a affirmé que la vie passée dans la colonie de vacances internationale de Sandowon lui a permis de comprendre profondément la raison pour laquelle les enfants coréens aiment le chant « Nous n'avons rien envie au monde ». Un membre de la délégation de la Confédération générale des travailleurs péruviens a souligné qu'en Corée, les femmes et les enfants sont considérés comme fleurs et rois du pays, alors que dans les pays capitalistes, ils sont victimes de la discrimination sociale et de la violence de toutes sortes. Le président du Forum allemand anti-impérialiste a dit qu'en Corée, pays du peuple authentique, l'idéal de l'humanité devient une réalité et il a estimé les Coréens les plus heureux du monde.